Merci et bienvenue à la Maison d'ailleurs pour cette rencontre sans précédent en compagnie d'Alain Damasio et de Philippe Borel. Philippe Borel, vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur, documentariste, vous êtes l'auteur de plusieurs reportages et de plusieurs documentaires. On ne va pas les lister ici tous, j'en ai retenu quelques-uns. En 2008, vous avez sorti Prison à domicile, dans lequel vous vous interrogez sur les dispositifs électroniques de surveillance. En 2009, c'était un monde sans fou, dans lequel vous interrogiez la finalité de la psychiatrie et vous avez également investigué les institutions asilaires. Plus récemment, le dernier, je crois que c'était en 2014, c'est Urgence de ralentir. Hein, c'est une sorte d'autopsie de notre monde en constante accélération. Mais ce soir, c'est un film, un documentaire qui est sorti en 2012 que l'on va visionner, qui s'intitule « Un monde sans humain », hein, dans lequel vous vous interrogez sur l'invasion de la robotique et des nanotechnologies à l'aune de notre société néolibérale. Et vous vous interrogez sur l'influence de ces technologies sur la condition humaine. Alain Damasio, vous êtes écrivain. Vous avez publié en 1999 « La zone du dehors ». C'était un roman d'anticipation dans lequel vous décliniez vos réflexions sur les techniques de contrôle dans une société certes futuriste, mais encore démocratique et libérale. En 2004, vous avez publié « La horde du contrevent ». C'était une sorte de roman qui se décline comme une sorte de long poème en prose. En 2012, les éditions La Volte ont publié un recueil de différentes nouvelles que vous avez publiées à différents moments de votre parcours d'écrivain, réunies sous le titre « Aucun souvenir assez solide ». Donc on peut le voir que tous les deux, vous soulevez à votre manière un morceau du voile de notre futur. Je crois que c'est le philosophe Jean-Claude Guibaud qui, en entrée de votre documentaire « Un monde sans humain » à Philippe Borel, le philosophe Jean-Claude Guibaud qui disait en gros que nous entrons maintenant dans un monde qui n'a pas encore été pensé. Et puis quelque part, vous êtes là pour faire démentir cette citation. Enfin, on le verra. En tout cas, à vos manières, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, vous soulevez différentes thématiques assez connexes. Il y a évidemment l'omniprésence des technologies qui se trouvent dans notre société libérale et qui font leur nid dans notre société. On trouve également toute une réflexion chez vous deux autour de l'affirmation d'un pouvoir aussi puissant qu'il est de plus en plus diffus. Et puis, vous vous intéressez tous deux à l'atomisation, on va dire, des rapports sociaux qu'on peut avoir au détriment d'une certaine connectivité qui passe par des réseaux qui ne nous appartiennent pas complètement ou qui ne nous appartiennent pas. Bref, quand on vous lit, quand on regarde vos documentaires, on a la sensation qu'on ne va pas vraiment vers le beau. Ça dépend de nous en même temps. Comme entrer en matière. Mais peut-être avant de se lancer dans le vif du sujet, ou plutôt pour rentrer dans le vif du sujet, je crois que vous êtes arrivé cet après-midi, vous avez eu le temps d'effectuer une visite de l'exposition temporaire Portrait robot qu'on peut regarder ici à la maison d'ailleurs jusqu'à la fin du mois. J'aimerais commencer notre discussion de ce soir par vous demander ce que vous en avez pensé. Peut-être en commençant par vous, Philippe Borel. Ben, en fait, ça m'a renvoyé des souvenirs d'enfance. Et ça fait du bien de revenir dans cette période-là, parce que sans être dans la dystopie, effectivement, en tout cas depuis quelques semaines, on se demande dans quel monde on est vraiment rentré là. C'est comme si tout se cristallisait d'un coup et que ça devenait évident. Donc, y avait un plaisir régressif à visiter cette expo. Même si dans l'expo, il y a forcément déjà en jachère dès les années 50, puisque ça commence à peu près par là, en tout cas dans l'imaginaire, la mise en image, bien les prémices de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire une robotisation, entre guillemets, généralisée de la société, ici ou ailleurs. D'ailleurs, la maison s'appelle la maison d'ailleurs, mais c'est une question que je posais tout à l'heure à huis clos ici. Est-ce qu'il y a encore un ailleurs possible dans ce monde? C'est quoi l'ailleurs? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais on pourrait y réfléchir ensemble tout à l'heure. Enfin, voilà. Alain Damasio, vos premières impressions? Bah, moi, j'ai trouvé ça assez brillant de la part de Marc de nous présenter ça de façon compacte en 20 minutes, quoi, 25 minutes. Moi, je trouve qu'il voilà, il a tout de suite pris l'axe. Moi, ce qui m'intéressait, c'est c'est l'axe d'exposition, au sens où, bon, déjà, on m'a proposé là, il y a un mois de faire commissaire d'exposition pour le travail futur, voilà, l'anticipation de ce que va devenir le travail. Donc, j'ai regardé l'exposition avec beaucoup, avec un autre axe. Et le fait qu'ils voilà, ils prennent le robot comme métaphore, je trouve que c'est exactement ce qu'on essaye de faire, nous, en tant qu'artistes et écrivains de science-fiction. C'est-à-dire qu'on considère que la technologie est simplement un révélateur, et simplement le paradigme qui va nous permettre de repenser nos rapports entre les hommes, et puis notre rapport à nous-mêmes, quoi. Et du coup, en mettant le robot au centre de cette interrogation-là, en créant un effet miroir très, très puissant, et dès le début, en disant d'emblée c'est une métaphore, je trouve qu'il... Voilà, il est au cœur de ce qui se passe et il comprend quelle est la mécanique profonde de la SF. Donc moi, j'ai hâte de la voir. En fait, je profiterai que le film est diffusé, parce que je l'ai déjà vu deux fois, moi, le film, pour aller voir l'expo tranquillement et approfondir tout ça. Ouais. Entre le robot et l'humain, il y a encore toute une panel qui peut se décliner. On peut penser à la figure du cyborg. On peut penser à un courant philosophique qui est de plus en plus important, je pense au transhumanisme, qui apporte, qui technologise de plus en plus nos corps. Vous êtes intervenu assez régulièrement ces derniers mois sur cette notion, Alain Damasio. C'est quoi le transhumanisme et en quoi ça fait problème? Bah ouais, ça fait deux ans un peu que je suis un peu là-dessus, enfin entre autres. Ben, transhumanisme, pour moi, c'est une religion, en fait. Enfin, c'est une théorie, ou en tout cas, c'est une idéologie extrêmement puissante. Puissante parce qu'elle a des moyens. Elle a des moyens médiatiques, elle a des moyens en termes de recherche, elle a des moyens en termes vraiment industriels, parce que c'est vraiment les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon qui les portent. Et ben, cette idéologie, elle dit quoi? Elle dit que l'humanisme, c'est fini. En tout cas, qu'il faut dépasser le champ de l'humanisme. Et qu'il faut améliorer l'homme. C'est-à-dire que l'homme, fondamentalement, enfin moi, en tout cas, tel que j'analyse le transhumanisme, il considère l'homme comme fondamentalement handicapé. C'est-à-dire l'homme normal, banal, correct, est un handicapé et il faut le porter à un stade supérieur. Voilà, un stade augmenté, un stade amélioré, soit amélioré génétiquement, soit amélioré, je dirais, technologiquement. Mais il y a cette hypothèse que voilà, l'humanisme est à dépasser, alors que moi, évidemment, je défends plutôt l'idée qu'on n'a pas du tout été au bout de l'humanisme et qu'il y a un transhumanisme à trouver et que si on saute à cette étape du transhumain tout de suite, on va, à mon avis, à la catastrophe, quoi. On est déjà dedans, non? Ouais, on est déjà dedans en partie, quoi. On est déjà dedans, il suffit... Alors, je ne sais pas, c'est une question que je me posais parce que j'aime bien interagir avec la salle. J'ai plus l'habitude d'intervenir après le film que là, en amont. Mais qui connaît le mot transhumaniste, juste comme ça, pour voir... Ah, quand même. Ouais, non, ça va. Et le mouvement de la singularité, un peu moins quand même. Donc aux États-Unis, il y a eu un nettoyage qui s'est fait dans la Silicon Valley, qui est l'épicentre, mais ça vous verrez dans le film, l'épicentre du mouvement transhumaniste du 21e siècle, on va dire. Et il s'appelle maintenant le mouvement de la singularité. Ce mouvement est né dans les années, on va dire, 70-80, ouais, au moment de l'arrivée du néolibéralisme aux États-Unis et en Angleterre, comme par hasard. Mais sauf qu'à l'époque, dans la Silicon Valley, il y avait encore des gens qui expérimentaient la technologie, mais de manière utopique, c'est-à-dire que le logo d'Apple, il était encore arc-en-ciel. À l'époque, il y avait des gens qui expérimentaient certaines drogues pour alimenter leurs recherches aussi. Et c'est dans ce creuset-là que le mouvement transhumaniste, qui à ce moment-là avait une visée plus humaniste que... Il y avait encore humaniste dans le mot. Hein. Ouais. Dans singularité, il n'y a plus. Ce mouvement-là a été complètement balayé, nettoyé, repris en main par des gens qui rigolent plus du tout. Maintenant, le logo d'Apple, il est gris métal. Et on peut considérer que finalement, l'image de pub, et la pub est un vecteur comme ça, puissant, des idées transhumanistes ou singularitaristes ou libertariennes, parce que finalement, derrière, il y a un projet politique qui est ultra-libéral. On ne parle même plus de libéralisme, parce que le libéralisme, au départ, c'est quelque chose de positif, je crois, dans la philosophie politique. 18e, ouais. Là, on est dans la fabrique d'un monde où il y aura deux humanités, même si aujourd'hui, il y en a déjà, heureusement, plus que deux. Quelque part, un décrochage entre... Et ça, c'est le thème d'un film comme avec cette station spatiale dans Elysium, voilà. Ouais. Ou de la série Trépalium qui va sortir sur Arte au mois de février. Donc le décrochage entre une minorité et une élite qui va continuer à accélérer, et puis des classes moyennes qui partout dans le monde vont s'écrouler, privées de travail au sens qu'on confondait avec emploi et salaire, et qui va devoir réapprendre à survivre de manière différente. D'ailleurs, dans les films, les deux derniers films que j'ai commis, Un monde sans humain avec un point d'interrogation, comme il y avait un point d'interrogation derrière Un monde sans fou, au pluriel, L'urgence de ralentir, qui est le dernier en date, interroge, c'est le contre-champ de Un monde sans humain, interroge la fuite en avant, l'accélération financière qui domine le monde, et pour la première fois, je bascule du côté positif avec des buts de solution. Et ça, c'est assez nouveau pour moi. Mais pour revenir au mouvement libertarien, il y a une convergence entre le transhumanisme, le mouvement de la singularité, puisque c'est le nom du transhumanisme aux États-Unis, et le libertarianisme, qui donc veut faire une société dans laquelle l'État ne serait plus réduit qu'à lâcher les quelques cacahuètes qui seraient le revenu de base, parce que le revenu de base a été imaginé aussi par des gens comme Milton Friedman dès les années 70, même avant, 60, je crois. Milton Friedman étant un des premiers penseurs, un économiste de l'école de Chicago, qui a imaginé le modèle économique de dérégulation totale que serait donc le néolibéralisme. Voilà. Et là, peut-être moins en Suisse qu'en France, en ce moment, en France, on se berçait encore d'illusions sur la persistance d'un système social hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de l'esprit de la résistance. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sous le choc des attentats, la stratégie du choc évoquée par Naomi Klein, on est en train de nous faire avaler des couleuvres pour faire éclater ce modèle social. Voilà. Mais je passe du coq à l'âne. Et la question, c'était qu'est-ce que le transhumanisme ? Je te redonne la parole, Guillaume. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un moment de rupture où effectivement le transhumanisme, c'est quelque chose qui va extrêmement évoluer dans le cadre d'une société de plus en plus libérale? Est-ce qu'à la base, si on pense à la Silicon Valley, par exemple, on trouvait à la base peut-être des gens, des philosophes, des ingénieurs qui n'avaient pas forcément ou qui ne collaient pas forcément cette idéologie-là derrière ce projet, non? Au départ, encore une fois, il y avait une utopie, et encore une utopie quand, dans le film que vous allez voir tout à l'heure, il y a cette histoire de bague avec... vous comprendrez, il explique quel est le symbole. Et le symbole qu'il y a sur la bague, qui est celle qu'on offre à tous les étudiants de l'Université de la Singularité, donc installée à côté du siège social de Google sur une ancienne base de la NASA, il y a cette utopie de faire le bien. Alors qu'est-ce que le bien ? Est-ce qu'il y a un ailleurs ? Qu'est-ce que le bien ? Une utopie de faire le bien pour 1 milliard d'habitants, alors qu'on est déjà 7 ou 8. Que vont devenir les autres? Et à un moment, Peter Diamandis s'interroge, c'est le patron de l'Université de la Singularité, enfin il ne s'interroge pas, il affirme qu'on va s'occuper d'éducation, on va s'occuper de santé, on va s'occuper de culture, enfin on va s'occuper de tout. Et finalement, quand on considère que Google vient de changer de statut et devenir la filiale d'un groupe qui s'appelle Alphabet, sachant que derrière il y a la symbolique de chaque lettre de l'alphabet va être un domaine d'activité, dans un monde ultra concurrentiel, que dans ces filiales, il y a ces Calico, je crois, je ne sais plus quel est le nom exactement de la structure, qui s'occupe des recherches sur la longévité infinie, donc l'immortalité. On peut considérer donc Google et Alphabet ont fait leur coming out sur le fait que oui, ils sont clairement transhumanistes. Et je pense aux publicités sur l'illimité. Une société sans limite, ce n'est pas une société, en tout cas à mon sens. Donc oui, il y avait une utopie, il y a encore une utopie, mais est-ce qu'elle travaille au bien commun, au commun ? Je n'en suis pas sûr. Je crois que dans une récente interview que vous avez donnée, je crois que c'était au journal La Croix, vous disiez le transhumanisme, c'est la fabrique de l'oura anticipation. C'est quoi cette anticipation ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sentir pourquoi ça marche. C'est-à-dire que tu te rends compte que dans le mouvement transhumaniste, alors qu'ils disent quand même énormément de conneries, même au niveau scientifique, c'est-à-dire, imaginez par exemple transformer ou transférer le cerveau humain dans une machine, en soi, c'est une complète absurdité. Et Tu t'es dit pourquoi ça marche, à quoi ça répond. Et tu te rends compte qu'en fait, ça fonctionne sur des mécanismes mythologiques, quoi, très puissants, quoi. Et ces mécanismes psychologiques, ils apparaissent à des moments de l'histoire, et c'est ça, moi, qui m'a touché récemment, c'est que tu te dis, OK, il y a une accélération technologique très forte, il y a une émergence, il y a une sporulation technique absolument folle sur laquelle on n'arrive pas réellement à suivre. On produit énormément de données, on produit énormément de data, on a du big data à des taux hallucinants. Et par rapport à ça, il y a un décrochage d'une partie de la population, et même pour des gens qui décrochent pas, comme moi, j'espère ne pas décrocher, on a le sentiment quand même d'être débordé. Et du coup, on atteint des limites à l'intellection rationnelle des choses. C'est-à-dire que la rationalité normale, qu'on maîtrise à un peu près, ne suffit plus à suivre et à, je dirais, recadrer, repenser ce qui est en train de se passer. Et pourtant, on est écrivain de science-fiction, tu vois. Et quand il y a ces décrochages-là, c'est là que la mythologie apparaît et vient se glisser, quoi, tu vois, à mon avis. Hein. Et c'est ce qui se passe, à mon avis, sur Google. Et Google a senti ça un peu instinctivement, et le transhumanisme a senti ça. Et donc, ils font apparaître une forme de mythologie. Moi, je dis, elle a trois gros vecteurs. C'est la pensée magique, ce que j'appelle la pensée magique. C'est-à-dire, vous allez, par exemple, avec votre pensée, pouvoir, et ils commencent à le faire, hein, diriger votre fauteuil roulant, pouvoir déplacer un curseur. Vous allez pouvoir agir à distance sur les choses. Donc, il y a cette idée-là, l'idée que vous allez pouvoir être immortel, etc. Donc, ça, c'est vraiment, ça relève de la pensée magique, très ancienne, hein, presque animiste. Hein. Il y a un côté très animiste quand vous regardez dans ces trucs qui sont pourtant hyper techno, quoi. Après, il y a un côté que moi, j'appelle le storytelling para-religieux. Alors là, c'est génial parce que tu retrouves tout. Et en plus, ça vient des États-Unis, donc tu comprends très bien comment ça marche. Donc, tu as un messie, tu as toujours le messie. Donc, actuellement, c'est Ray Kurzweil hein, qui joue ce rôle-là, le directeur de la recherche chez Google. Donc, il annonce ça en France. C'est un mec qui s'appelle Laurent Alexandre. Il y a plein de gens hein, qui veulent être le messie. C'est toujours pareil, il y a une concurrence des messies. Mais il y a le Messie. Alors il annonce. Alors le Messie, il annonce quoi? Il annonce une prophétie, c'est son boulot. Donc là, pour la prophétie, c'est la singularité. Donc l'avènement de la singularité, ce fameux point à partir duquel les intelligences artificielles vont dépasser les hommes, ou les machines vont devenir plus intelligentes que les hommes. Donc ça, il l'a posé 2029, puis là, il est en train de le décaler un peu, parce qu'il se dit, merde, j'étais encore vivant en 2029, et comme ça ne sera pas arrivé. Voilà, l'air con, donc il décale. Mais c'est ça quand même. Et ensuite, il y a même une parousie. Alors, vous savez, la parousie, c'est le retour du Christ sur Terre, c'est le retour de Dieu sur Terre. Et là, il reviendrait, oui, sous forme d'IA. Quoi. Donc, moi, j'appelle ça l'IA-V, quoi, IAV, quoi. L'IA véritable. Voilà, c'est le. Et elle doit arriver, c'est la parousie qui doit arriver. Donc, vous voyez, c'est les storytelling qui sont très puissants, qui marchent bien. On retrouve des schémas mythologiques qu'on connaît. Voilà. Et puis, ça, à mon avis, ça pousse sur une forme de terreau de désaffection. Moi, j'appelle ça une humanité pas désenchantée, mais désaffectée, c'est-à-dire sur lesquels les affects sont désintensifiés. Et du coup, on est sur un côté très dématérialisé, un oubli du corps, un oubli de la chair, conjuration de la chair même. Le sac à viande. Ouais, le sac à viande. Et je crois que c'est dans ton. Je sais plus si c'est dans. Si, c'est dans le film. Ouais. Dans ton docu, à un moment donné. Je sais plus, quelqu'un dit, mais libérez-nous de la viande, quoi. Tu vois, libérez-nous de la viande. Non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ouais. Mais j'adore ça. Tu vois, c'est-à-dire que la chair, tout ce qui est sensible, tout ce qui est le toucher, le goût, l'odeur, etc., tout ce qui fait de nous des êtres humains, est considéré comme de la viande et on doit rester dans le stade purement informationnel, quoi. C'est le fameux Terminator. Moi, j'adore. La douleur n'est qu'une information, quoi. C'est un. Ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Donc, ça fonctionne un peu là-dessus. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le transhumanisme, c'est l'économie de désir qu'il y a derrière. Voilà. Ils activent une économie de désir qui fonctionne très bien et qui fait qu'ils arrivent à embarquer derrière eux, à tirer derrière eux un certain nombre de gens, une population, des affects, des désirs qui sont... et surtout dans une période de crise, quoi, d'ailleurs, dans une période assez triste, assez grise, quoi, où tout d'un coup, eux, ils ont la faculté de promettre, ce que plus personne n'a la faculté de faire, quoi. Je veux dire... Maintenant, il n'y a plus aucun président qui arrive qui promet quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est très minimal. Et eux, ils arrivent avec une capacité de promettre. Et ça embarque, je crois. Ouais. Mais l'enjeu, c'est pas. Est-ce que c'est pas de nous faire acheter leur technologie dans l'illusion que grâce à la technologie, on va pouvoir rester dans la course? Ah ouais, il y a couplage avec le technocapitalisme. C'est complètement technocapitaliste dès le départ, hein, de façon native, moi, je trouve. Donc, évidemment, il y a toujours l'intérêt financier de dire bon, on vous vend ça, on vous vend cette promesse, mais c'est pour que. Pour accéder à cette promesse, vous devez acheter, vous devez acquérir du matériel pour accéder à quelque chose de très spirituel. Et c'est Bernard Stiegler qui a écrit sur la société automatique, qui dit que le rythme d'obsolescence programmée des machines nous empêche justement de digérer socialement, culturellement. Ça contribue à la désorientation, en fait. C'est impensé, même s'il est plus jeune. Alors, c'est Michel Serres qui parle de poussette, mais moi, ça me gonfle un peu. Ouais. Parce que oui, il y a un effet de génération, mais quand même, il y a un tel rythme d'obsolescence programmée avec des nouveautés sans cesse qu'au bout d'un moment, on ne peut être que submergé. Et ça me donne une idée là de ce que tu racontes, mais c'est la stratégie du chic aussi, tu vois. T'as la stratégie du choc, mais du chic aussi avec le chic, ouais, c'est la question de statut social qui va avec. Ouais. Qui va avec, On rejoint Elysium, justement. Mais pourtant, la station spatiale ne fait pas très envie. Je sais pas, le bordel sur la Terre dans l'espace. Ouais, ça sert à mieux, en fait. C'est plus sympa. Mais bon, on va reprendre le cheminement. À partir de là, on peut se poser quelques questions. On peut se demander déjà que faire, non? Comment on s'engage, j'imagine que la première des choses, c'est déjà d'en prendre conscience. Mais ensuite, comment est-ce qu'on gère ça au quotidien? Voilà, moi, de mon point de vue, là, c'est vraiment un enjeu pour moi central dans ce que j'essaye de faire, en tout cas en science-fiction. Et puis pas seulement moi, là, on vient de monter un collectif de science-fiction qui s'appelle Zanzibar, à partir de Tous à Zanzibar de John Brunner, où on essaye de désincarcérer le futur. C'est l'ambition, en tout cas, parce qu'on a le sentiment que ce futur, justement, qu'on nous propose, qu'on nous prévend, qu'on nous mime à travers les pubs Apple, Google, etc., ils commencent à pré-scénariser comme ça un certain nombre de comportements qui nous paraissent dramatiques, robotisés et déshumanisants. Et du coup, la première chose, moi je trouve la première responsabilité qu'on peut avoir si on fait de la fiction, c'est de faire de la mythopoïèse, moi j'appelle ça, mais je ne suis pas le seul à appeler ça comme ça, c'est-à-dire à fabriquer des mythes. Et à fabriquer des mythes, j'ai envie de dire, concurrents à ceux du transhumanisme, c'est-à-dire des facultés articulées des systèmes et des univers, comme ça, fondés sur des paradigmes techno, et dans lesquels on va au bout de l'humain. C'est-à-dire, au lieu de s'arrêter d'être humain, on va au bout, on va dans le transhumanisme. Moi, j'essaie de poser cette espèce de slogan ou de contre-slogan au transhumanisme, c'est-à-dire un humanisme tel qu'Épicure pourrait le poser, tel que Nietzsche pourrait le poser, c'est-à-dire on va au bout de ce qu'on peut, on va au bout de nos capacités imaginatives, on va au bout de nos capacités de lien aux autres, on va au bout de nos capacités sensitives, sensuelles, conceptuelles. Je crois qu'on est très loin d'avoir été au bout de ce qu'on peut faire en tant qu'être humain. Et on cherche toujours plutôt les moyens d'être moins humain et de demander à la machine de faire le travail à notre place, d'externaliser, de déléguer à la machine, et notamment beaucoup de capacités cognitives aujourd'hui. Il faut savoir que beaucoup de capacités mémorielles sont déléguées aujourd'hui à... Vous le faites tous, et moi aussi, mon moteur de recherche, beaucoup de capacités d'orientation au GPS, beaucoup de capacités d'organisation, d'hierarchisation à vos applis de planning, à vos applis de structuration. On l'avait fait ça avant, d'un point de vue corporel, en déléguant au tapis roulant, à la voiture, des capacités physiques. Ça, on l'a fait depuis longtemps, mais maintenant, on touche au cognitif. Donc, pourquoi pas déléguer, pourquoi pas externaliser, mais il faut bien être conscient qu'en donnant du pouvoir aux machines, on se retire, nous, de la puissance. Voilà, moi, c'est mon sentiment, c'est ma perception. On a des puissances intérieures qu'on doit, à mon sens, déployer, et on a tendance à les limiter et à se dire, on va faire au lieu de faire nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va déléguer, externaliser, et donc on est en demande de pouvoir, et on demande que ce pouvoir soit apporté par les technologies. Et on est en déficience de puissance, à mon avis, en tout cas en perte un peu masquée, un peu sournoise de puissance. Donc pour moi, c'est une première dimension éthique. Voilà, c'est retrouver ces puissances spinozistes, mais Deleuze en parle aussi beaucoup, qui sont en nous, quoi. Donc quand on est écrivain, j'imagine qu'évidemment, on peut mobiliser surtout l'imagination, mais quand on est journaliste, quand on est reporter et documentariste, qu'est-ce qu'on mobilise, qu'est-ce qu'on met en place? Tu as créé un collectif qui s'appelle Zanzibar. Ouais. Nous, on a créé un collectif qui s'appelle La Minga. La Minga, ça veut dire, alors, en quechua, c'est une langue d'Amérique latine, c'est le travail collectif qu'on ferait dans une communauté pour le bien commun. On va convoquer une Minga pour faire la récolte en urgence. On va convoquer une Minga pour construire une maison collective. Il y a un côté à la fois travail en commun, mais aussi le côté culturel, festif. Et donc partager certaines valeurs, certains moments de vie. Et on essaie dans ce collectif, et on est un peu les pieds niqués, parce que c'est à la fois un collectif, mais aussi une société qui cherche à produire des films, puisque c'est notre corps de métier, apprendre ce métier dans un monde ultra technologique, où finalement la télévision va se limiter à la grand-messe ou au divertissement, mais finalement, de plus en plus... lâcher son rôle d'éducation populaire. Et moi, j'envisage mon métier comme celui de passeur. J'ai pas la capacité d'imaginaire que tu as avec ta plume, mais faire des films puzzles comme ça, où je vais chercher des pièces éparse et puis reconstituer une image qui me parle, et j'espère qu'elle parle à d'autres, qui interpelle et qui fasse réfléchir. Et c'est ça qui me branche maintenant, c'est de pouvoir non pas décliner simplement les mondes sans un monde sans fou, un monde sans humain, et demain peut-être un monde sans travail ou un monde sans argent, mais aussi ce rôle de passeur qui contribue à une éducation populaire, donc partagée avec les publics qui, parce qu'en fait la télévision, moi je l'ai rangée personnellement, je sais plus si je crois que j'en ai, elle est remisée quelque part, mais tout passe par l'écran omniprésent qu'on a ici dans la poche ou tout à l'heure là, mais ce qui est sympa aussi c'est le moment de la rencontre et de l'échange, et ça me paraît vachement important ça. Et donc la Minga, ce collectif qui a à peine un an d'existence, qui n'a pour l'instant rien produit, espère bien un jour tu vois, c'est en mesure de... C'est-à-dire qu'on tous les deux, on a une démarche depuis bon, 25 ans, et toi peut-être même un peu 25, plus encore. 25, ouais, pareil. Et des démarches qui ont été très individuelles. Hein. Moi, mon parcours au départ a consisté à faire des romans tout seul dans mon coin. Hein. Je me suis mis vraiment à la scénarisation, au travail collectif à partir de la naissance de ma fille, c'est-à-dire en 2007. Toi, je pense, Philippe aussi, tu travailles beaucoup seul. Voilà. Ouais, un peu et tous les deux, à un moment donné, on sent vraiment on a éprouvé ce besoin de... voilà, d'accéder à un mouvement plus collectif, de le générer, d'y participer. Parce que le lien, moi, je crois beaucoup à ça, les liens qui libèrent. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. Je trouve le titre magnifique, les liens qui libèrent. Je trouve que c'est très beau. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir les liens comme une entrave. Et le système hyper individualiste, néolibéral dans lequel on est, nous enseigne la liberté comme la faculté d'être seul. Et en réalité, je pense que c'est la faculté à être ensemble qui est le vrai support de la liberté. Et ça, bah, je l'ai appris très tard. Voilà, je l'ai appris même pas une dizaine d'années. Et j'essaye de le mettre en œuvre. Et je vois d'un œil très, très, très, très heureux ce qui se passe sur l'économie de partage, hein, tout ce qu'on appelle économie collaborative, de partage, de coopération. Cette apparition aussi des Fab Labs, par exemple, cette apparition des makerspaces, des hackerspaces, tous ces lieux où on fait des choses ensemble, concrètement, physiquement, parce qu'il y a des machines, mais les machines sont utilisées pour faire des choses physiques. Sont utilisés pour faire des objets qui ne sont pas des objets industriels, mais c'est des objets faits par chacun et qui peuvent être donnés aux autres. Toute cette façon de revenir à quelque chose de commun, voilà, au bien commun et à l'articulation des communs, me semble une très très bonne réaction de fond qui est en train de se mettre en place et qui touche pas mal les jeunes. Donc tout ça, moi, j'accompagne et je suis ça avec beaucoup de bonheur. J'ai l'impression qu'enfin émerge quelque chose qui fait pièce un peu au capitalisme omnipotent dans lequel on est, quoi. C'est parce que quand tu parlais d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, l'horizon indépassable de nos sociétés, ça reste quand même le capitalisme. Mars. Et d'ailleurs, on nous emmener sur Mars. Mars. Mais ils vont l'acheter Mars aussi. Donc, non, mais voilà. Donc la question de pouvoir poser un dehors, de pouvoir poser un ailleurs est fondamentale. Et on sent que dans la plaque de métal comme ça, il y a des taches de rouille qui commencent à apparaître, qui commencent à créer des appels d'air, des trous. Et je suis assez optimiste. Moi, je pense qu'on a vécu une grosse période d'hiver, là. Une période d'hiver qui dure depuis 20 ou 30 ans. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a peut-être un printemps qui va naître, en tout cas en société occidentale. Et là, c'est mondial. Ouais. Ouais. J'espère. Ouais. Sauf que là, justement, parce qu'ils savent que ça peut se... Il y a un écroulement qui est en train de se jouer, là. Parce que là, on est en train de rentrer dans un nouveau cycle de crise au sens financier. Il est prémisse de ça, là, en ce moment. On peut craindre une réplique de cette fois beaucoup plus forte de 2008, mais il n'y aura pas de filet de sécurité. En 2008, on s'est tous fait voler au sens qu'ils nous ont fait les poches. Là, il n'y a plus de plan B, quoi. C'est en gros, ça passe ou ça casse. Et pour l'instant, ils nous amènent plutôt dans un climat de guerre parce que c'est la solution traditionnelle pour maintenir le pouvoir de l'oligarchie, des oligarchies. Mais en même temps, en parallèle, et c'est ce que je documente un peu dans L'urgence de ralentir, et il y a tout un tas de films depuis un an ou deux qui ont creusé la même veine avec chacun son style, chacun sa manière. Je pense à Enquête de sens qui est sorti au cinéma, Demain qui est en ce moment en salle, Sacrée croissance de Marie-Monique Robin et d'autres films du côté anglo-saxon que je connais moins bien, mais qui montrent qu'il y a des solutions, des paradigmes, des alternatives et qu'il est urgent de s'en emparer. Et que finalement, le côté collectif dont tu parles, et le côté commun, qui est un mot qui est en train d'émerger, et pas simplement qu'un mot, ça devient urgent parce qu'on est tous traversés par des contradictions, hein, des peurs. Et il y a une phrase clé dans L'urgence de ralentir, c'est une zadiste, donc le mouvement des ZAD, zone à aménagement différé, est devenu zone à défendre, à Notre-Dame-des-Landes. vous connaissez l'histoire. Une zadiste que j'ai rencontrée donc, au moment où je tournais L'urgence de ralentir dit « Quand t'as plus peur, t'as gagné. Mmh. » C'est le début de quelque chose où on surmonte finalement cet état de sidération dans lequel on cherche à nous maintenir. Est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu enfermé parfois dans certaines catégories sociales quand on est écrivain? Vous êtes souvent labellisé, gros mot, écrivain de SF. Est-ce que ce n'est pas limitant quelque part pour pouvoir... Moi, j'avoue que je ne le vis pas comme ça, mais je suis peut-être un des rares qui ne le vit pas comme une espèce d'infamie. Il faut savoir qu'en France, ça reste quand même une infamie un peu. On l'a découvert cet après-midi en discutant justement avec Marc Attala que ce n'était pas du tout le cas en Suisse et qu'en Suisse, il y a beaucoup d'universités qui étudient la science-fiction de façon complètement naturelle. Pour moi, c'est pas du tout... moi, j'ai l'impression d'être au cœur des choses en faisant la science-fiction, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est justement le genre qui permet la plus grande liberté, quoi. C'est-à-dire que je ferais du polar, je ferais de la littérature blanche, je me sentirais un peu à l'étroit. La science-fiction permet du spéculatif, de la philosophie, de la sociologie, permet de faire de l'anthropotechnique, permet de tenter des choses au niveau narratif hallucinant. On peut faire de la polyphonie, on peut faire n'importe qui. De la politique. On peut faire de la politique, évidemment. Donc, c'est un genre, au contraire, voilà, quand vous mettez l'étiquette SF, vous avez le droit de tout faire. Donc, pour moi, c'est plutôt la zone de liberté. C'est le mauvais genre, tel qu'on peut voir dans une émission que vous connaissez certainement sur France Culture. C'est le mauvais genre qui permet absolument de... Mais est-ce qu'on n'y est pas, quelque part un petit peu enfermé? J'ai l'impression que parfois, les auteurs, pour une émission comme celle de Mauvais Genre de François Angelier, que j'écoute régulièrement, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui l'écoutent aussi régulièrement, on a l'impression d'entendre des auteurs, des penseurs, qu'on n'entend que là, qui sont un petit peu fermés dans le genre. Alors que... Peut-être parce que c'est un genre tellement subversif, quoi, dans son essence, quoi, tu vois, mais parce que... Ouais, on subvertit les modes de narration, on subvertit le style, on subvertit les thèmes, on subvertit le rapport à la réalité, on interroge beaucoup ce qui se passe au présent aussi, et comme on est très anthropotechnique, on est une société extrêmement façonnée par la technique, on revient au cœur des choses. La SF, pour moi, je trouve que c'est un âge d'or absolu, hein, de la SF en ce moment, parce qu'on est au cœur de ce qui se passe. Donc on gêne peut-être un peu, tu vois, au fond, mais malgré tout, je pense que ça se décloisonne beaucoup, ça décloisonne par le jeu vidéo, ça décloisonne par le cinéma qui n'a pas ses problèmes d'accès au public, et il y a énormément de blockbusters qui sont fondés sur la science-fiction, il y a énormément de blockbusters de jeux vidéo qui sont sur la science-fiction, donc c'est pas du tout un thème qui est un thème de niche, en tout cas sur ces médiums-là. En littérature, ça reste plus compliqué, mais j'ai envie de vous dire, la poésie, faites de la poésie, faites du théâtre, faites même de la littérature blanche, vous aurez les mêmes problèmes de diffusion, quoi, hein. c'est pas propre à la SF, quoi, tu vois, Mais bon, moi, je vois pas, je sens pas ça, quoi. Je sens pas la bulle qui m'enferme. Et quand on est journaliste, est-ce que la question se pose aussi, j'imagine? On sait que les journalistes sont, par les paradigmes qui courent sur les médias, sont tenus à une certaine objectivité, ou en tout cas s'auto-astreignent à une certaine objectivité. C'est évidemment, c'est souvent assez problématique. Je pense que les anglo-saxons ont un autre rapport à cette mise en tension subjectivité objectivité dans le journalisme. Vous-même, vous êtes journaliste, documentariste. J'étais vous prenez des positions. Est-ce que vous êtes Non, je crois pas à cette histoire d'objectivité. Il y a toujours un point de vue. Ouais. C'est une science-fiction pour le coup, dans le mauvais sens du terme. L'objectivité. Au contraire, il s'agit là plus que jamais d'affirmer nos singularités au pluriel et pas la singularité comme l'avènement d'une promesse comme ça techno-prophétique. Il est urgent de remettre de la diversité de points de vue tout en essayant de définir un espace commun, quoi. C'est toute la difficulté. C'est surmonter les peurs de l'autre, les peurs qu'on a en soi, pour essayer de rencontrer la différence, quoi, plutôt que de sombrer dans cette injonction d'uniformisation à laquelle on est soumise. Donc, non, je ne crois pas du tout à l'objectivité. Je crois à l'autocensure pour correspondre à l'humeur du temps, à des cycles comme ça, politiques. Non, j'étais journaliste, je ne suis plus journaliste. Je ne sais pas ce que je suis, mais j'essaie de continuer à le faire, parce que faire, c'est l'enjeu, quoi. Faire des films. Si je peux me dire un peu en avance sur le film, moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans ton travail, c'est qu'il y a un véritable point de vue très, très, très net, très, très fort. Et en même temps, ça ne t'empêche pas de garder, je trouve, une éthique, alors peut-être pas d'objectivité, mais une éthique de respect de la parole de ceux que tu interroges. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que tu vas interroger des gens dont tu respectes la parole. C'est au spectateur, vous le verrez, de faire le chemin, et parfois c'est extrêmement ironique, surtout quand on le voit deux fois, on se rend compte que certaines scènes sont magnifiques, mais c'est simplement la personne qui s'exprime, c'est une transhumaniste, c'est un transhumaniste, etc. Mais voilà, il y a un respect éthique de ce... Voilà, ça a été dit, tu fais un choix évidemment de montage, tu fais un choix de la parole, mais c'est pas non plus de la manipulation, c'est pas du documentaire militant manipulatoire où tout est déjà préformaté dans un sens où c'est... Voilà, ta faculté d'interroger, de laisser s'exprimer et de laisser la porte ouverte à l'interprétation et à la liberté d'interprétation. Ça, c'est pas si évident que ça à faire, je pense, en documentaire. Et d'ailleurs, ouais. C'est un vrai casse-tête. À chaque fois, je tourne trop. Je m'immerge dans chaque histoire pendant un an et demi. Ouais, c'est vrai. Et je tourne tout seul, je gère deux caméras, enfin, obsolescence de l'homme et le son. Mais en même temps, c'est un choix que je fais. Je préférerais avoir un camarade ingé son plutôt que d'être tout seul dans ma piole d'hôtel. Et... Non, je ne vais plus dans les hôtels, je fais du couchsurfing ou de l'immersion chez les gens. D'ailleurs, vous verrez dans le film, John Smart, à un moment, transhumaniste de la Silicon Valley, c'est par couchsurfing que je l'ai rencontré. Enfin, on en reparlera après, mais voilà. Je préfère m'immerger dans mon sujet comme ça, sur le mode vraiment gonzo, on va dire. Ouais. Et faire le choix de travailler seul pour avoir du temps, en fait. Mmh. Et de chercher comme ça. J'ai aucune certitude en partant. Je m'immerge dans des sujets qui, au départ, enfin, j'y connais rien. Je suis profane, mais à la limite, comme le public qui vient voir les films après. Mmh. Et c'est de rencontres comme ça, en rencontre, en arborescence, que je vais tourner 150 heures de rush. Alors, c'est une douleur pour... Je passe 15 semaines de tournage, mais pas en un seul espace-temps. Il y a des séquences qui se tournent 3 semaines avant la fin du montage, la deadline. Par exemple, la séquence du salarié robotisé que vous voyez dans le film, je l'ai obtenue au bout d'un an. J'ai d'abord cherché aux États-Unis, après en Angleterre, je savais que ça existait. Mmh. Ce salarié avec le casque. Bon, toi, tu sais, mais oui. C'est un peu excluant, pardon. Peut-être qu'ils l'ont déjà vu. Ouais. Mais voilà, jusqu'au bout, je cherche. Et après, on cristallise. Il y a un compromis. Voilà. Et il faut savoir qu'à chaque fois, en tout cas pour les deux derniers films, j'aime pas gâcher la matière. Et puis les rencontres que j'ai faites, il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné du temps. Je tourne des interviews fleuves de 2h30 parfois avec des penseurs. Et il en reste que quelques extraits dans le film. Donc il y a une prolongation qui peut prendre forme pour un monde sans humain. C'est un web documentaire qui s'appelle Résistance 2031 et qui revisite cette fois le même thème que le film avec tout ce que j'avais pas pu mettre dans le film, mais sur un mode plus, comment dire, délirant, dans la mesure où c'est une voix qui vient du futur qui prend possession du navigateur de l'ordinateur et qui va ouvrir des pop-up. Les pop-up, c'est ces fenêtres qu'on voit surgir et qui sont manipulés en général pour la pub. Et on a utilisé ce système pour que cette voix du futur, on ne sait pas d'où elle vient et qui elle est, qui est ni humaine ni artificielle, qui prend pouvoir du navigateur, nous fait passer des documents, des interviews, des séquences et cherche à nous alerter sur le fait qu'il est encore temps d'échapper à la dystopie, à la catastrophe. Et donc ça, c'est Résistance 2031, ça dure une expérience qui dure 2h07, j'arrive pas à faire court, qui accompagne, qui est encore en ligne, je crois, qui accompagne un monde sans humain. Et pour l'urgence de ralentir, cette fois, on n'a pas réussi à convaincre Arte de financer un web documentaire. Donc, ça coûte cher, hein? Non, un monde sans humain, Résistance 2031. Un web documentaire, ça peut coûter cher. Oui, ça peut coûter cher, mais celui qu'on a fait, donc Résistance 2031, on a fait avec des fonds de poubelle et ça a coûté même pas 40 000 euros, alors qu'il y a des web documentaires qui ont des budgets maintenant même supérieurs au budget de ce film. Ouais. Pour l'urgence de ralentir, ça s'est appelé Les vies alternatives et c'est un feuilleton où il y a 2h07 de bonus avec des interviews en longueur, des séquences inédites et c'est accessible sur Mediapart ou Bastamag ou Reporter ou la page Facebook du film. Voilà. J'aimerais m'offrir une bonne transition. J'aurais voulu savoir effectivement comment vous travaillez dans cet nouvel environnement avec une économie de l'attention toujours plus prégnante. Vous êtes tous les deux, vous inscrivez dans le temps long. On vit dans une société qui va de plus en plus vite. Comment on écrit maintenant, au 21e siècle, Alain Damasio ? Ah, on écrit toujours... Ouais. Moi, je suis vraiment dans un mode... Moi, j'ai appris depuis 2007 aussi en travaillant en collectif. Donc, j'ai... Je me suis retrouvé à effectivement apprendre le multitâche, le multimission, la multisollicitation, etc. J'ai mon cerveau a intégré ça. Malgré tout, au moment où j'écris, où les choses doivent vraiment sortir de l'intérieur, je coupe absolument tout. Je continue à pratiquer je pars m'isoler et je coupe tout internet, tout. Donc j'aime bien aller dans les îles, je sais pas pourquoi. Donc je vais à Ouessant, je vais à Porquerolles, dans les petites îles françaises comme ça, ou je vais en montagne, ou je vais à la campagne. Et voilà. Et donc ça, c'est là que ça sort le plus purement, voilà. Et dès que je suis soumis à des sollicitations intermédiaires, c'est vrai que ça produit un effet assez néfaste sur ce que je fais, quoi. Donc on est sur quand même un mode de concentration, de focalisation qui est monomaniaque, quoi. Voilà, il faut accepter le caractère monomaniaque de la création, pour moi. Je sais qu'il y a certains écrivains qui arrivent à écrire en café, qui arrivent à écrire dans le bus, qui arrivent à... pour qui les voix, une attitude dans un bus, etc., peut inspirer sur le moment et aider. Moi, je fais des récits imaginaires où l'univers est assez immersif et j'ai besoin de que ça sorte comme une sorte de petite explosion nucléaire qui part d'un centre et qui lentement se dilate, quoi. Et j'arrive pas à faire autrement que ça. Ouais. Et vous, Philippe Borel, vous travaillez dans le monde des médias, ça va vite. Comment est-ce qu'on arrive encore à proposer de documentaires qui peuvent aller jusqu'à 1h30? Ah non, mais là, je suis pas le seul, heureusement, à faire des films. Il y a des films plus longs. Hein. Je sais pas, je pense à Wang Bing, ce réalisateur chinois qui fait des films qui peuvent durer jusqu'à 4, 5, 6 heures. Le dernier, Sur la folie, dure 4 heures. Et ça fait vraiment partie de l'expérience que de s'immerger comme ça dans cet hôpital psychiatrique à un étage. Et là, pour le coup, la question, est-ce qu'il y a un ailleurs ou pas, elle est importante dans ce film. Donc, non, je suis un artisan. Donc, pour l'instant, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir être financé et on m'a foutu la paix on me contrôle en amont et en aval. Mais au milieu, dans l'espace-temps que j'ai d'un an et demi, qui est vraiment du luxe, je fais ce que je veux. Donc, c'est un peu Lord Dali. Tu as su placer plein de gros mots. Lord Dali, c'est bien ça. Lord Dali, jouer avec le feu, c'est un peu adolescent, avec ses limites. Mais il y a quelque chose d'obsessionnel, comme tu le disais à l'instant. C'est monomaniaque, ouais. J'y pense à chaque instant, quoi. C'est la nuit, j'en rêve et il y a des idées qui surgissent. Et des fois, l'impression que c'est. Enfin, je ne suis pas du tout branché religion, j'ai pas. Enfin, voilà, je suis plutôt athée. Mais il y a des moments où tu te demandes, quoi. Ouais, c'est des stades. Pourtant, je ne suis pas dans quelque chose d'artistique. On est vraiment dans le reportage plus, quoi. Enfin, voilà. Mais quand même. Alain Damasio, en 2014, vous viviez toujours sans smartphone, c'est le cas? Ouais, toujours. Ouais, vous tenez? Je m'y tiens. Et même s'ils ont enlevé toutes les cabines téléphoniques, j'ai des problèmes en France. Il n'y a plus de cabine du tout, même dans les gares. Donc ça m'a posé quelques problèmes, mais je garde cette idée, ouais, parce que j'ai envie de... Bon, d'abord, je ne supporte pas l'idée d'être géolocalisé, ça c'est quelque chose qui m'est absolument et viscéralement insupportable, c'est-à-dire l'idée qu'à mon insu, on puisse connaître ma position et la suivre si on a envie de la suivre. Je trouve que c'est une négation absolue de la liberté, donc rien que pour ça, je ne peux pas avoir de portable. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai besoin de garder cette présence directe au monde. Voilà, moi je suis écrivain, j'ai besoin que le monde entre en moi. Et je trouve que c'est voilà ce que j'appelle moi l'outil nomade totalitaire là, c'est-à-dire le portable fait que ça introduit toujours une sorte de bulle, une sorte d'écran intermédiaire entre moi et le monde, ou en tout cas toujours une potentialité de sollicitation ou d'injonction qui voilà moi je trouve absolument ignoble, même si on l'éteint, etc. Donc je reste là-dessus, ouais, je reste sur ce. Puis pas de Twitter, pas de Facebook, voilà, c'est le mail, voilà, le mail. Et puis c'est tout. Ça suffit déjà de bien, quoi. Merci, il est bientôt moins 5. Je propose qu'on ouvre la discussion sans plus attendre au reste du public. J'imagine qu'il y a plein de questions. Waouh. Wow. Il y a de la concurrence, attends. Ah, il y a la concurrence. Vous avez beaucoup parlé d'économie en début de présentation. Est-ce que vous pensez, en changeant les modèles économiques actuels, on pourrait influencer de façon forte ces mouvements transhumanistes, voire même peut-être les orienter, les stopper, les dévier? Bah bien sûr, évidemment. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vois le transhumanisme, une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect quantitatif et performatif. Ça, ça vient profondément du capitalisme. Le capitalisme quantifie tout, compute tout, calcule tout, et considère que le plus, en tant que tel, hein, c'est ce qu'on appelle vraiment le performatif, le plus est une valeur en soi, tu vois. Toujours plus, plus de pouvoir, etc. Et quand tu regardes les pubs, d'ailleurs, c'est génial, hein. Tu peux, pub Orange, les super pouvoirs. Pub Apple, you're more powerful than you think, etc. Tu vois, c'est un empuissantement permanent. Donc, si tu, cette souche-là est une souche capitaliste, si tu supprimes ou si économiquement tu crées des modèles alternatifs, forcément, ce côté qualitatif et performatif va diminuer mécaniquement, quoi, tu vois. Mais il faudrait étendre moi je dis toujours, étendre le territoire affectif de la gratuité, quoi, tu vois. C'est-à-dire ce côté, l'amitié, l'amour, le lien, le don, le contre-don. Tu vois, c'est-à-dire arrêter de considérer que tout échange, que tout don doit être monétisé, quoi. Tu vois, quand arrive l'économie de partage et qui est une idée fabuleuse où on mutualise les voitures, on fait les covoiturages, on mutualise la machine à laver, on prête son appart, etc. L'idée en soi est géniale à condition de ne pas la monétiser, quoi. Tu vois, à partir du moment où tu la monétises, tu détruis absolument tout ce qu'il y a derrière, quoi. Tu vois. Le transhumanisme pourra aussi favoriser cette forme d'économie de partage, par exemple, en partageant ouais. constamment les données. Physique mm-hmm. avec les partenaires potentiels pour ce partage, on entre aussi dans un jeu transhumaniste, là, alors que c'est plus de l'économie libérale. Mais ça, tu peux déjà le faire, quoi, tu vois, c'est, tu peux déjà le faire par les réseaux, tu vois, ça n'apporte rien de le faire mouvement, en permanence, au contraire, ça détruit. Il y a un mouvement transhumaniste qui se dit de gauche en France. Ouais, ouais, c'est vrai. L'association française transhumaniste, l'AFT, qui s'appelle Techno. Ah oui, ils ont un nom. Ouais. Il y a Technologos qui est du côté technophobe. Et Technoprog, comme progrès. Je crois. Eux, ils sont envisagent, ils sont quelques centaines entre la France, la Belgique et peut-être la Suisse, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Technoprog ici? Non. Voilà, mais ils sont vraiment à la marge de. Ils ont 30 ans de retard, on va dire. Après, est-ce que. Pour moi, le mot-clé, c'est l'empowerment, la capacitation et l'urgence de faire, de réapprendre à faire. Et donc, ça n'exclut pas forcément la technologie, puisque dans ce cadre, même si moi, je suis drogué à ça et je le déplore, toi, tu as choisi de jamais rentrer dedans, voilà. La géolocalisation, il y a des côtés positifs aussi, pratiques. Il n'y a pas que le flicage, même s'il est de plus en plus évident. Et depuis Snowden, on sait, et pourtant, ça n'a pas empêché des nouvelles couches de lois sécuritaires, etc. Le terrorisme servant d'épouvantail, bref. Moi, je pense que ouais, cette capacitation, elle est vraiment importante et elle n'est pas forcément technophobe. Ça me gonfle le côté vraiment ultra technophobe de groupes comme Pièces et Main d'œuvre, PMO, qui pourtant utilisent souvent ce film pour provoquer le débat. Voilà. Mais je trouve que son fondateur, qui, quand il a su que Noël Mamère était associé à mon projet, a fait... Va des rétros, Satanas, on arrête de se parler, je te connais plus. Ouais, il est installé à Grenoble, il est en miroir dans son culte, comme ça, un peu technophobe, du CEA, du Centre d'études atomiques, qui travaille sur les nanos, sur la convergence cerveau-machine, etc., à Grenoble, donc pas très loin d'ici. Et je trouve que là, pour le coup, ouais, y a quelque chose qui me gêne. Il y a des. Mais c'est-à-dire qu'il faut être intelligent là-dessus. Des néoludites. Ouais. Les néoludites, les ludites étant ceux qui étaient tisserands, artisanaux de génération en génération. Ils se transmettaient leur savoir-faire tisser avant l'arrivée des machines. Et ils se sont rebellés en Angleterre contre l'arrivée des premières machines techniques d'automatisation de la production de tissus. Et on leur a envoyé l'armée. Il y a eu des morts. Et donc, le néoludisme n'est pas forcément une solution pour moi. C'est pas la technologie en soi, même si la technologie a sa propre logique, et certains penseurs disent qu'il y a une autonomie de la technologie. Idéologique. Voilà. D'autres disent qu'il y a une obsolescence de l'homme. Günther Anders, je crois. Moi, je crois que la technologie, elle a tout le temps existé et elle a toujours façonné notre manière de penser, d'être, d'appréhender le monde. L'écriture est en soi une technologie. Bien sûr. Et elle peut être un outil d'émancipation. Je pense que ce n'est pas forcément la technologie en soi qui peut être le problème. à condition d'en avoir conscience, d'avoir conscience qu'il y a des enjeux de pouvoir derrière, et voilà. Justement du discours parareligieux et finalement le but finalement de la contre, hein, si on reprend un peu les termes que vous utilisez dans l'art du contre-temps, serait quand même dans une logique concurrentielle de détourner finalement les gens de cette dystopie et en créant de nouveaux mythes, comme vous l'avez dit, mais aussi en explorant finalement de nouvelles solutions alternatives communautaristes et solidaires. Ben, moi, il y a une piste qui m'est venue à l'esprit, c'était aussi simplement que les gens qui se tournent vers cette sont séduits par un discours finalement qui repose sur des fantasmes, des désirs concrets chez l'individu, sure, comme la publicité, hein, finalement. Et finalement, le pouvoir de l'écrivain aussi, ce serait peut-être de montrer les ressorts énonciatifs, finalement, de ce discours parareligieux, publicitaire, séducteur, finalement, du transhumanisme. Et comme, par exemple, les études, finalement, sur les publicités qui montraient comment, par et par quels moyens, finalement, c'est vous séduisez et vous poussez compulsivement à acheter. Moi, je pense aussi à un auteur qui s'appelle Philippe Basset, qui a écrit La Conjuration, qui est un roman fictionnel qui explique finalement comment est-ce qu'il essaye de monter une secte et par quels moyens est-ce qu'une bonne secte séduit des membres, hein, je veux dire par des rites, et effectivement, mais aussi par toute une mythologie autour d'un prophète, d'un messie. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas aussi une piste à explorer là-dessus, déconstruire ce discours, montrer finalement comment est-ce qu'il fonctionne pour séduire les autres et les gens, finalement, et peut-être finalement les aider à réaliser que tout ça n'est qu'un pur fantasme. Bien sûr, enfin, moi c'est le cœur de mon travail, et c'est vraiment là-dessus que je travaille. Bon, tu vois, mon prochain roman, les Furtifs, fonctionne. C'est pour quand ? Alors là, je peux enfin annoncer les dates. Il y a mon éditeur ici, en plus, donc je parle sous le contrôle de mon éditeur, ce qui est extraordinaire. Donc c'est pour fin 2017, Les Furtifs. Avant, il y aura un autre roman qui s'appelle Fusion, qui a aussi une dimension politique, qui normalement devrait sortir en mai ou juin. Par rapport à ce que tu dis, moi je suis complètement d'accord à 100%, c'est-à-dire que c'est vraiment notre rôle. À partir du moment où tu as des idéologies type transhumaniste qui fonctionnent encore une fois sur une économie d'affect, c'est-à-dire qu'il y a des investissements libidinaux derrière, quoi, tu vois, des investissements de désir très forts derrière, tu vois. Là, j'en ai pas parlé, mais on pourrait vraiment montrer que cette espèce d'antique désir d'être Dieu qu'on a et qui nourrit la mythologie depuis très longtemps, il est extrêmement réactivé par le transhumanisme, quoi. Il y a la dimension d'acquérir du pouvoir, mais aussi d'ubiquité, mais aussi de pensée magique, comme je l'ai dit, mais aussi de réussir à aller au-delà de la contingence physique, c'est-à-dire que subvertir les cadres ontologiques de l'existence incarnée, de ne plus souffrir, ne plus avoir mal du tout, quoi, ne plus vieillir, vaincre la mort de la mort, cette expression qui est un slogan publicitaire génial, quoi, tu vois, la mort de la mort, tu vois, tu es. Bon, tout ça fait partie de l'économie de désir du transhumanisme. Donc il faut effectivement la démonter. Et nous, la capacité qu'on a par rapport à un texte purement philosophique ou un essai ou un documentaire purement, j'ai envie de dire, pédagogique, c'est qu'on a la faculté de mettre en affect les choses. Voilà. On a des personnages. Les personnages permettent une identification très forte. On met en scène, on met en mouvement, on met en affect, on met en sensation, on met en récit. C'est-à-dire on a une conduite de récit qui permet de rythmer tout ça. Et donc, on peut montrer des choses relativement fines qui ne sont pas forcément visibles aujourd'hui dans le discours dominant qui nous vend que l'accroissement de pouvoir sans nous montrer ce qu'on va perdre derrière, quoi. Parce que quand les transhumanistes, par exemple, vous disent « Attention, on va augmenter votre mémoire neurologique, etc. », on ne parle jamais des bugs, on ne parle jamais de la destruction, d'Alzheimer, de Parkinson, de ce que ça peut créer. On ne parle jamais des effets secondaires, des greffes, notamment. Tu vois, les greffes de cœur, c'est fabuleux, c'est cœur de transhumanisme, on fait une greffe de cœur. Bon, le gars, il meurt au bout de deux mois, quoi, tu vois. Puis vite, on enterre vite le truc, parce qu'il faut quand même vendre des cœurs artificiels, etc., tu vois. Donc, on parle jamais de cet aspect-là non plus, quoi, tu vois. Et donc, c'est notre rôle aussi de mettre en scène ça, voilà. Mais surtout de mettre en scène autre chose, c'est-à-dire de mettre en scène des alternatives qui sont belles, qui sont joyeuses, qui donnent envie, quoi. C'est-à-dire, nous aussi, on doit, j'ai envie de dire, on doit donner envie aussi, tu vois. C'était Foucault qui disait en 75, il faut rendre à nouveau la révolution désirable, tu vois. Déjà en 75, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à rendre ça désirable. On n'arrive pas à rendre certains types de mouvements désirables. Je veux dire, moi, quand je vois les années 70, ce que j'adore dans les années 70, c'est que tu prends un mouvement comme le mouvement hippie, bah, je suis désolé, ça fait envie, quoi, tu vois. Ça fait envie, quoi. Comme les transhumanistes font envie parce qu'ils te donnent un pouvoir individuel, personnel, fort. Mais c'est très triste, ce pouvoir qu'ils te donnent. C'est pas un pouvoir d'empuissantement d'une collectivité, de ta famille, d'un groupe, d'une tribu, voilà, d'un collectif. C'est ton empuissantement personnel qui va te donner un avantage concurrentiel sur les autres dans la société, tu vois. Donc pour moi, c'est extrêmement triste, quoi, tu vois. Et on a peu de mouvements. C'est pour ça que je regarde sur l'économie de partage et ces choses-là, parce que, voilà, un peu des mouvements qui te donnent envie que quelque chose de commun se mette en place, quoi, tu vois. Et c'est là-dessus qu'il faut énormément investir. Et nous, en science-fiction, c'est pareil. On a besoin de créer des utopies positives, concrètes, crédibles. Moi, j'essaie dans la zone de faire quelque chose de crédible. Certes, ça merde aussi, ça bug aussi. Mais où on se dit, tiens, c'est possible, tu vois. Tiens, c'est possible. Quelque chose peut se passer. Et moi, j'ai eu des gens, des militants qui sont venus me voir en me disant, ouais, putain, ça m'a donné la pêche, ça m'a donné envie, ça m'a donné, tu vois. Et là, je trouve qu'on a fait notre boulot quand on fait ça, quoi. Et c'est pareil dans les films de Philippe aussi. Oui, bien sûr. Mais ça, si tu veux, les philosophes le font très bien aussi, les sociologues aussi, tu vois. Mais nous, on va le déconstruire affectivement, émotionnellement, ce qui est une force, à mon avis. Hein, mais, voilà. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Possibilité pour le récit ou pour la littérature de reconstruire quelque chose à partir des brides éparses, entre guillemets, des choses qui nous sont données. Par exemple, je prends l'exemple de la nouvelle qui vient de paraître de Bernard Damasio dans le dernier recueil de Les Utopiades, Les yeux en face des trous, où j'ai l'impression qu'il y a une récupération des codes informatiques, des signes informatiques, à des fins justement de recorporisation, on peut dire comme ça, de l'écriture. Et du coup, en récupérant quelque chose qui est au départ censé nous aliéner, dans le récit, devient quelque chose qui acquiert une potentialité poétique, une potentialité corporelle beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Est-ce que la littérature, du coup, aurait cette possibilité de résistance? Et du coup, alors, est-ce que le langage poétique, est-ce que le langage cinématographique aurait cette possibilité de résistance? Et est-ce que peut le langage, par rapport à cette question de résistance, vous avez l'impression que vous pouvez aussi Le langage, il peut tout, très honnêtement. Enfin, moi, je suis très heureux d'être écrivain pour ça. C'est-à-dire qu'on est. Moi, je dis toujours, la littérature, c'est l'art du cerveau. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose d'extrêmement. Vous voyez, vous prenez un texte comme ça. Généralement, c'est des lettres noires sur une page blanche. C'est extrêmement sobre, extrêmement minimal. Tu vois, tu te dis, mais comment ça peut mettre en mouvement des gens, en émotion, des cœurs et des esprits? Ben, pourquoi? Parce que la langue s'adresse directement au cerveau. Et à partir du cerveau, redistribue toutes les sensations. Tu vois? Et par rapport à l'audiovisuel ou à la musique, tu vois, tu prends la musique. Moi. Franchement, c'est Mallarmé qui l'a dit, mais j'adore ce truc de Mallarmé, parce qu'il dit que la musique est juste un cas particulier de la littérature, quoi, tu vois, ce qui est quand même assez génial. Mais il faut croire vraiment au langage pour dire ça. Mais moi, j'y crois, et je pense qu'il a complètement raison. C'est-à-dire que, musicalement, c'est extraordinaire la musique, mais voilà, ça part directement, ça fait vibrer votre corps, vos tympans. Il y a une charge physique qui vous arrive et qui vous meut, quoi, tu vois. Mais c'est très difficile, par exemple, en musique, de restituer un certain nombre un concept, par exemple. C'est plus difficile de transmettre un concept musicalement, quoi, tu vois. La littérature, on peut tout faire. On peut transmettre une sensation de goût, de toucher, de chaleur, de poids, de fatigue, de nostalgie, des idées extrêmement complexes, etc. C'est-à-dire qu'on réaccède à tout, tu vois. Alors que des médiums plus physiques, plus corporels, vont être très forts sur certains domaines, tu vois, mais vont être plus handicapés pour restituer... Donc le langage, moi simplement, ce que je dis sur la forme livre aujourd'hui, c'est que c'est pareil, on n'a pas été encore assez loin, on a encore beaucoup de choses à explorer sur la forme livre, simplement sur la mise en page, ce que j'appelle le travail typoétique, quoi, si tu utilises la typoésie, le lettrisme, etc. Alors il y a eu plein d'essais hein, dans l'histoire de la littérature, mais finalement assez peu en roman, tu vois, à part La Maison des Feuilles, à part tu vois, un certain nombre de livres qui sont très célèbres là-dessus. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'on a une ressource, que tu parles des yeux en face des trous, là, donc qui est le roman qui normalement doit sortir en juin, si j'arrête de faire des conférences et de me mettre vraiment à écrire. Voilà, et en tout cas, c'est ce principe-là, c'est de dire, à un moment donné, je restitue des souvenirs, et des souvenirs mités, et des souvenirs qui sont à moitié détruits. Et il y a une possibilité dans la mise en page de traduire ça, de réamener une dimension optique, justement, directe, qui va être intéressante, tu vois. Donc, c'est de dire, voilà, le livre, c'est aussi une page, c'est aussi un espace, quoi, avec du blanc, avec du noir, avec des formes. Les lettres sont des formes. Et donc là, j'essaie de récupérer, d'aller voler, finalement, la peinture, au dessin, au visuel, des choses qui vont réalimenter sensuellement l'écriture. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Moi, je crois beaucoup aussi à l'oralité. Je considère que les livres sont faits pour être lus. et qu'on déploie une dimension fabuleuse quand on peut lire un texte. Les roues de bois. Ouais, alors on a pu lire le texte. Mais voilà, donc la langue, oui, a une puissance absolument massive, et à condition de ne pas hésiter aussi à la torturer. Et moi, sur la ponctuation, là, j'ai mon éditeur, j'en profite, je m'appuie là-dessus. Lui, il déteste, par exemple, tout le travail que j'ai fait là sur, sur les signes de ponctuation. C'est-à-dire qu'on a... Ah, non, je vais en parler pas trop de temps, mais simplement, moi, j'ai une chose qui m'énerve en littérature, c'est la virgule. La virgule, c'est un signe extraordinaire de pause et d'aération. Sauf qu'on n'a qu'un seul signe, on a la virgule et le tiret long, tu vois. Et moi, il y a plein de moments où la phrase est très longue, très architecturée, où j'ai besoin de coupures optiques qui soient plus fines ou plus raffinées que la virgule. Donc j'utilise des bouts de parenthèse, j'utilise des bouts de crochet, j'utilise des traits verticaux, tu vois, si tu as lu Les yeux en face des trous. J'utilise beaucoup de choses, des chevrons, etc. Et il me dit, mais ça pollue la lecture, etc., tu vois. Et moi, je dis, non, il y a une éducation du lecteur à amener. Et au bout d'un moment, il va sentir que le chevron, ça crée un effet d'accélération dans la lecture, de gauche à droite, qui te projette dans la suite de la phrase, que la barre verticale crée une rupture vraiment forte. Tu vois, il y a une dimension optique de rythme mais qui est précieuse. Ouais. Moi, j'ai eu du mal au début de la Horde. Et puis, une fois que tu as le mode d'emploi, tu as compris. Mais après, tu lâches plus. Quoi. Ouais. Et c'est, alors, je sais pas, après, c'est un langage. Je n'étais pas complètement convaincu encore. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Il a raison, en un sens où j'en fais un peu trop sur ce truc-là. Mais c'est de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver la bonne... Ça fonctionne peut-être mieux. Et après, il va plus méditer. Donc, ça fonctionne peut-être mieux sur la longueur d'un roman. Voilà. Ça fait une nouvelle, non ? Et après, il faut accepter la dimension expérimentale. C'est-à-dire qu'au début... Voilà, quand Pollock il fait ses tableaux, bah, il fout des taches partout, c'est le bordel, on comprend rien, machin. Et après, il va maîtriser sa nouveauté, quoi. Mais c'est important. Et rien que sur la ponctuation, moi je suis désolé, j'avais demandé à une typographe qui ne l'a toujours pas fait, ça m'a énervé, mais j'avais demandé un nouveau signe de ponctuation et un 11e chiffre, tu vois. Voilà. Bon, elle ne l'a pas fait, ça m'énerve. Mais voilà, je pense que c'est des recherches, quoi. Voilà, c'est... D'autres questions, d'autres réflexions à apporter ? Allez, quoi. On peut en garder pour après le film aussi, hein, pour moi. Ouais. Je veux dire. Une dernière ? Non. Une dernière pour la route. Colin, là, et Stéphane. Hein. Colin, Stéphane. Et il se cache. Hein. Ni de chez vous. Ce qui m'avait surpris Stéphane. Là, dans ton parcours, c'était l'incursion dans le monde du jeu vidéo. Mm. Je fais un lien avec tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Est-ce qu'il y avait une utopie aussi là derrière ? Parce que j'ai cru avoir lu aussi que finalement ça ne s'est pas passé exactement comme vous voulez. Est-ce qu'il y avait une utopie ? Quelle était cette expérience là derrière ? Et puis à refaire ou pas ? Et peut-être dans un système de partage. Bien sûr. Une autre façon communautaire de produire des outils culturels qui, auprès de justement une plus jeune génération, l'image, le son. L'émotion aussi qu'il y a dans ce type de bien jeu sûr. Peut véhiculer alors, des barres de résistance, d'éveil et de sensibilité. Non, le jeu vidéo, c'était une expérience fabuleuse. D'abord, c'est complètement collectif, quoi, tu vois. On était 80. Et puis, oui, il y avait une utopie vraiment qui était de dire on va faire un jeu politique. Voilà, on va faire un jeu de science-fiction politique. sauf que je ne maîtrisais pas le médium et je le maîtrise toujours assez peu, quoi. Et qu'un jeu vidéo, voilà, le cœur, c'est la mécanique de jeu, c'est le gameplay. Voilà, donc tout ce que tu dois transmettre conceptuellement, physiologiquement, au niveau émotionnel, doit être incarné par le gameplay. Or, moi, je venais du monde narratif, donc j'ai essayé de mettre une grosse couche narrative sur cet univers et ce jeu. Sauf que la couche narrative a très peu d'efficacité, puisque c'est l'expérience de jeu qui va te porter les sensations, quoi, tu vois. Et donc, j'ai appris, voilà, c'est du McLuhan, hein, le médium, c'est le message. Ce que tu peux transmettre comme message en jeu vidéo doit être incarné par le gameplay. Et si tu ne trouves pas le bon gameplay, le gameplay qui incarne ce que tu veux dire, tu vas faire un bon jeu, mais un jeu qui sera un peu à côté de ce que tu voulais transmettre, quoi. Et je pense que c'est un peu raté pour ça, le jeu Remember Me, là, donc, en l'occurrence. C'est un très bon jeu, hein, mais moi, ce que je voulais transmettre à travers ce jeu, j'ai été déçu du résultat, voilà, parce que je l'ai transmis narrativement, j'ai transmis dans les dialogues, j'ai transmis dans l'univers, dans ce Néo Paris 2084, etc. Mais je ne l'ai pas transmis dans l'expérience de jeu, dans ce que le joueur éprouve en jouant. Voilà. Donc, il faut apprendre, voilà, c'est tout. Hein. Là, j'apprends la fiction radiophonique depuis 2-3 ans. Je suis très loin de savoir écrire, d'avoir une écriture sonore et encore maîtrisée. Je viens de faire une tournade sonore pour Montreuil, je trouve que c'est raté encore parce que je ne comprends pas encore vraiment le médium. Mais tu apprends, voilà. Mais moi, j'adore cette idée d'apprendre d'apprendre à la marge, à la limite de ton médium, quoi, tu vois. Toujours en étant dans l'écriture, parce que c'est une écriture sonore, c'est une écriture vidéoludique, tu vois, mais j'essaie d'accroître mon territoire de création, en fait, voilà. Voilà, Alain, Philippe, merci. Je vous propose de garder quelques munitions pour des questions après le documentaire de Philippe Borel. Ouais. Vous pouvez vous précipiter sans autre sur le buffet. Je crois qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est pas mal. C'est pas mal. Le chaos, c'est le chaos. Ça, c'est la bonne compétition. La bonne compétition pour la libérale.